Salut, Danny. Claude, on s'est parlé récemment, mais là, je voulais te reparler de deux choses. Je voulais te parler de la East Coast à Trois-Rivières et je voulais te parler également de. Vu que tu es comme descripteur des matchs des Cataractes de Shawinigan, je voulais savoir un peu ta vision des choses face à l'avenir de la Ligue canadienne de hockey et des petits marchés de la Ligue junior du Québec. Exemple, on sait déjà qu'il y a 200, ils vont devoir 260 000. Les équipes de la Ligue canadienne de hockey, chaque équipe va devoir verser 260 000 à une espèce d'association pour l'histoire du syndicat. Ça, c'est déjà réglé en cours. Je pense que c'est une poursuite de 30 millions. Et là, maintenant, il risque d'avoir une poursuite concernant les initiations. Alors, on sait que Daniel Carcelo a fait, et plusieurs joueurs ont fait un petit peu, ont sorti pour dire les atrocités qu'ils ont vécues durant les initiations. Et si ça arrive, ben, ça va en poursuite. Est-ce que ça va menacer, selon toi, les différents marchés? Je pense entre autres à Batters, je pense à Baie-Comeau, même les Saguenay ici. Comment tu vois tout ça? Tu vois ça tout ça? Ben écoute, moi, Danny, mon point de vue là-dessus, premièrement, je vais mettre une chose au clair en partant, Danny, dans une affaire d'agression sexuelle, tout ce qui a affaire à des affaires de mœurs, que les gens dénoncent et sortent, j'ai pas de problème avec ça. Comme dans le cas de Daniel Carcillo, puis je pense que ça a été prouvé d'ailleurs que lui, ce qu'il a vécu avec son équipe de hockey junior, ben c'est arrivé. Par contre, le malaise que j'ai, c'est que là, on vise toutes les équipes de hockey junior de la Ligue canadienne. Les 60-quelques équipes en font partie. Mon malaise, c'est que, OK, lui a vécu ça dans une équipe de la Ligue de l'Ontario, mais est-ce que les Cataractes de Shawinigan ont quelque chose à voir avec ça? Est-ce que les Remparts de Québec ont quelque chose à voir avec ça? Est-ce que les Moussettes... Bon, tu comprends mon point de vue. Si c'était oui la réponse, puis qu'il y avait quelque chose de prouvé, de regrettable qui s'est déjà passé, que ces équipes-là payent le prix, j'ai pas de problème avec ça. Mais qu'on tire sur toutes les équipes parce qu'elles font partie de la Ligue canadienne de hockey, j'ai un petit peu un malaise. Puis je répète, Danny, s'il y a des gens qui ont subi des choses répréhensibles et que ça se prouve et qu'elles sortent sur la place publique, j'ai pas de problème avec ça. Mais qu'on vise toutes les équipes, tu sais, si on visait l'entité, exemple, de la Ligue de l'Ontario ou de la Ligue canadienne, pas de problème. C'est la Ligue qui paye. Mais qu'on fasse payer toutes les équipes, j'ai un petit peu un problème avec ça. Tu Ben oui. sais, contrairement à l'histoire du syndicat et des salaires des joueurs dont on a parlé en début d'entretien, où là, c'est vrai que ça concerne toutes les équipes. Donc, que toutes les équipes payent un morceau, ben, coudonc, ça fait partie de l'entente qui est passée entre la Ligue canadienne, les trois ligues juniors et ceux qui poursuivent. Mais dans le cas de Daniel Carcillo, je trouve que c'est un petit peu dommage là, pour des équipes de la Ligue canadienne de hockey qui ont peut-être absolument rien à se reprocher. Puis 260 000 $ en plus de ça, là, c'est de l'argent quand tu sais même pas ce que tu t'en vas là, avec cette ligue-là. Là. Tu sais, en fait, semaine, on a présenté un projet de relance. Est-ce que ça va marcher? T'sais, avec ce qui s'est passé avec la Ligue de baseball senior du Québec, moi, toute ligue, là, j'aurais peur de lancer un projet maintenant. Là. Oui, puis écoute, je suis en train de faire le calcul, Danny. 260 000 $, c'est quoi un billet pour aller voir un match de hockey junior? Ça tourne autour de quoi? 20 $? Ouais, c'est ça, 15-20 $. Je fais le calcul, là. À 20 $, le billet, là, c'est 13 000 billets que ça représente, 260 000 $. 13 000 billets à Shawinigan, là, c'est à peu près 4 ou 5 matchs. Tu sais, ils rentrent 3 000 spectateurs en moyenne, à peu près peut-être un peu moins par match à Shawinigan. C'est énormément d'argent pour des équipes de hockey junior. Puis on s'entend que 260 000 $ pour les propriétaires des Remparts de Québec, ça n'a pas le même impact que pour les propriétaires du Titan de Batters ou du Drakkar de Baie-Comeau, où il y a beaucoup moins de monde dans les estrades, puis que ce sont des concessions qui tirent le diable un petit peu plus par la queue. Ça fait mal, c'est sûr que ça fait mal, puis d'autant plus qu'avec l'incertitude qui s'en vient dans les prochains mois. Non, c'est pas un bon temps, je pense, pour diriger des équipes de hockey junior. OK. Claude, je veux te parler aussi de. La nouvelle a été annoncée, c'était annoncé 4 jours après concernant la East Coast. C'est une bonne nouvelle en soi. Il y aura une équipe à Trois-Rivières bientôt. Est-ce qu'on a dit l'année ou il n'y a pas d'année encore? J'imagine que c'est pas l'an prochain. Ça va être en 2021-22, j'imagine. Oui, c'est ça. En 21-22 que la concession de Trois-Rivières dans la East Coast League devrait commencer. Puis, tu sais, Danny, c'est pas encore officiel là, qu'il y aura une équipe à Trois-Rivières. Bon, tu sais, moi, je pense que c'est une formalité. Les promoteurs se sont entendus avec la ville de Trois-Rivières, une entente de principe pour qu'il y ait une équipe qui occupe le nouveau Colisée. Maintenant, ben, les promoteurs tentent d'aller chercher une équipe, une concession à la East Coast League. Puis, tu sais, mais moi, je pense, Danny, ça va être une formalité. La Ligue devrait accepter. D'autant plus que si on permet d'attacher ça avec le Canadien de Montréal, ça va faciliter encore plus les choses. Puis, écoute, dans le groupe, je veux juste mentionner une chose, là. Le promoteur, M. McDonald, Dean McDonald, qui vient de Terre-Neuve, qui a déjà une équipe, lui, à Terre-Neuve, il s'est adjoint les services de Mark Whiteman, l'ancien président du Rocket de Laval. Oui, c'est ça. Donc, M. Whiteman est là-dedans. On pense que celui qui pourrait occuper le poste de président de l'équipe dans la East Coast League, ce serait Marc-André Bergeron, ancien défenseur du Canadien de Montréal et qui a joué aussi pour quelques autres équipes dans la Ligue nationale de hockey. C'est sûr que Marc-André Bergeron va occuper un poste dans la direction de l'équipe. Là, je viens de m'avancer sur la présidence. C'est pas coulé dans le béton que ça va être lui le président, mais il est déjà dans l'organisation. Il a déjà contribué à ce qu'il y ait une entente entre la ville et l'équipe de la East Coast League. Si je ne l'ai pas dit, Marc-André Bergeron, il vient de Trois-Rivières. Alors, il demeure encore à Trois-Rivières. Il est revenu, il a toujours gardé sa maison dans la ville de Trois-Rivières. Il demeure à Trois-Rivières actuellement. Ses enfants vont à l'école ici. Alors lui, c'est sûr qu'il a travaillé très, très fort pour implanter une équipe de la East Coast League. Mais je le répète, il faut encore obtenir la concession auprès de la East Coast League. Mais je pense que ce sera annoncé incessamment que la Ligue va venir s'installer à Trois-Rivières dans une bâtisse flambant neuve à compter de 2021. On parle de, écoute, je disais ça, là, 673 joueurs qui ont joué dans la East Coast, qui ont atteint la Ligue nationale. Oui, puis il y en a un qu'on a bien connu dans la région de la Mauricie, parce qu'il a passé quelques saisons à Shawinigan dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avant de passer par la East Coast League, et il a joué près de 1000 matchs dans la Ligue nationale. Ouais. C'est Alex Burrows. Qui maintenant fait partie de l'organisation du Canadien comme entraîneur adjoint avec le Rocket de Laval. Et puis, c'est drôle, Danny, parce que en te disant ça, qui était un de ses coéquipiers avec les Cataractes de Shawinigan lorsqu'il était junior majeur? Marc-André Bergeron. Oui, oui, oui. T'as Pierre-Alexandre Parenteau, t'as Tim Thomas, t'as David Desharnais, je pense que Francis Bouillon a joué là-dedans aussi. Mais est-ce que ça va faire mal aux Cataractes, ça? J'ai pas l'impression, Danny, que ça va faire mal aux Cataractes parce que c'est pas la même clientèle, c'est pas le même produit. Bon, peut-être qu'il y aura quelques partisans de moins qui iront voir les matchs des Cataractes parce qu'ils vont se laisser tenter un petit peu par la East Coast League. Mais, tu sais, il y a un attachement hein, pour de la population de la Mauricie envers son équipe de hockey junior majeur. Et on veut créer ce même genre d'attachement avec la East Coast League, mais le fait que c'est des professionnels, ce ne sera pas la même chose. Je pense que la clé du succès va reposer principalement sur le fait que ça va prendre des joueurs originaires de la région. Et des Québécois. À tout le moins des Québécois dans cette équipe-là. Mais tu sais, si Marc-André Bergeron nous l'a dit en ondes, nous, quand ça a été officialisé, l'entente avec la Ville, que si on pouvait amener un petit gars du secteur du Cap-de-la-Madeleine qui viendrait jouer et qui tiendrait son bout là, dans la East Coast League avec l'équipe de Trois-Rivières, ça contribuerait à ce qu'il y ait un attachement entre les partisans et l'équipe. Mais moi, un peut très bien vivre avec l'autre, je pense, concernant le hockey junior majeur et puis la East Coast League. Puis tu sais, t'as toujours la fameuse rivalité Trois-Rivières-Shawinigan. Je pense pas que les gens de Shawinigan qui sont partisans des Cataractes vont venir voir la East Coast League à Trois-Rivières. Oui, peut-être qu'ils vont se laisser tenter, mais j'ai pas l'impression que les deux équipes vont se nuire tant que ça. Mais tu sais, c'est dans un an et un peu plus, on verra à ce moment-là. Claude Boucher de Cogeco Trois-Rivières, c'est ça, des belles vacances, on s'en va pas, on s'en reparle pas, on va au plaisir de s'en parler.